Je me mélange le froid et le chaud. Voilà, je mets un peu de temps ici. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum ila yawmiddin. Amma ba'd. Nous avons aujourd'hui un invité, un voisin de Bobigny qui se nomme René. Et vous avez quel âge, René? 90 ans. 90 ans. Donc, il habite à Bobigny et a été honoré d'avoir comme voisin un couple musulman de noble caractère. Oui. Et par la suite, donc, ils vous ont proposé de venir dans notre mosquée. Oui, exactement. Afin de parfaire vos connaissances sur l'islam et de voir la mosquée. Et peut-être, on espère, vous compter parmi nous par la suite le nombre des musulmans. Inch'Allah. Dites comme ça. Dites Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Ça veut dire si Dieu veut. Oui, je sais. Parce que mes voisins, en particulier ma petite voisine, enfin ce sont deux personnes, monsieur et madame Boudjenan, qui ont donc eu une jeune fille, qui m'a demandé de l'accompagner, si je voulais l'accompagner, à titre de curiosité, pour voir un petit peu comment ça se passait. Parce qu'elle est aujourd'hui aussi avec les femmes. D'accord. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et donc, elle a tout ce qu'il faut, elle a le Coran, d'ailleurs, et elle s'est proposée de me le prêter. Donc, ah oui, c'est un peu fort. Hein. Donc, elle a proposé de me le prêter, et puis de me donner les indications, des indications élémentaires. D'accord. Vous avez commencé à lire ce Coran ? Que je n'ai pas commencé. Elle doit me prêter. Elle doit me le prêter là. Et donc j'ai dit oui, ben, prête-le-moi. Et puis je vais le lire. D'accord. Parce que j'aime bien quand même connaître un petit peu cultiver les choses de religion. Étant donné que je crois en Dieu, mais je ne crois pas. Vous n'avez pas de religion particulière. Je ne fais pas de partie d'une religion. D'accord. Simplement, moi j'ai été baptisé, et par mon baptême, je suis devenu donc catholique, mais je n'ai pas pratiqué. D'accord. Mais il n'empêche quand même que j'ai suivi toutes les formes de religion pour savoir laquelle était la plus crédible. D'accord. Dans tout, quoi qu'il en soit, soyez la bienvenue dans notre mosquée. Voilà, bah c'est la raison pour laquelle je suis venu. Vous pouvez venir quand vous voulez et vous serez accueillis de la meilleure manière. Et pour nous, sachez que c'est un plaisir pour moi-même, qui suis l'imam de la mosquée. Je vous remercie. Et les fidèles, c'est un plaisir de vous accueillir. Mais c'est gentil, c'est très gentil de leur part. Et afin de vous prodiguer les conseils nécessaires, oui, et de vous transmettre les connaissances que, oui, Allah nous a facilitées, oui, peut-être cela sera une cause pour vous afin de voir plus clair sur la religion de l'islam et vous rendre compte que c'est une religion de vérité et, oui, qui a été réellement révélée par Allah, le Seigneur des mondes. Oui. Dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est l'islam, ce sur quoi repose l'islam, ce à quoi appelle l'islam. Car pour connaître cette religion, il vous faut avoir cette connaissance. L'islam, c'est la soumission à un Seigneur unique. D'accord. Nous reconnaissons, nous les musulmans, qu'il n'y a qu'un Créateur. Je suis d'accord. Et vous m'avez dit que vous aussi. Je suis d'accord avec vous. Il y a un seul Créateur. C'est le seul propriétaire. C'est le seul gérant. Et il décide de tout ce qui se passe dans les cieux. Absolument. Et sur la terre. Absolument. Ce qu'il veut se réalise. Et ce qu'il ne veut pas, ne se réalise pas. Exactement. Il est tout puissant et omnipotent. Oui. C'est le vivant par excellence. Il n'est ni sujet au sommeil, ni sujet à la somnolence. Il n'a aucun défaut. Il n'a aucun manquement. C'est un Dieu unique. Il n'a pas enfanté. Il n'a pas été enfanté. Il n'a pas d'égal. Sachez que dans notre croyance, après avoir su qu'il était le seul créateur, le seul maître absolu, le seul gérant, on se doit de l'adorer lui seul d'un culte sincère. Ouais. Et c'est là la marque par excellence du monothéisme. Nombreux sont ceux qui prétendent avoir une religion monothéiste. Ouais. Mais en regardant plus en détail, on remarque que ces religions ont dans leur dogme du polythéisme, par exemple, les chrétiens adorent Jésus, oui, le fils de Marie. Oui. Personne ne peut réfuter cela. Une partie d'entre eux adore également la mère de Jésus, oui, Marie. Marie, oui. Alors que le seul créateur, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Le seul propriétaire, c'est Dieu. Ah oui, absolument. Celui qui nous donne à manger, c'est qui? Absolument. Celui qui nous donne à boire. Ah oui. Alors, il nous faut l'unifier dans le culte et l'adorer lui sans rien lui associer. Absolument. Car la pire injustice, c'est de recevoir des bienfaits de notre Créateur et se montrer reconnaissant vers un autre que lui. Tout à fait, oui. Donc c'est le seul qu'on adore. Vous avez vu la prière que nous avons accomplie? Oui. Vous avez vu cette prière qui se compose de récitation, d'inclinaison, de prosternation? Oui. Lorsque j'ai vu, vous, ouais, nous avez vu nous prosterner. Oui, c'est vrai. Voici un lien solide que nous avons avec notre Seigneur. Oui, oui. C'est une adoration qu'on ne voue qu'à lui. Et c'est ainsi pour l'ensemble des adorations. On n'adore que lui. On ne jure que par lui. Oui. On ne se prosterne que pour lui. C'est bien. On ne craint que lui. Nous n'aimons que lui. Tous nos espoirs sont placés qu'en lui. Pourquoi? Car c'est le seul maître des cieux et de la terre. Ah oui. À partir de là, on s'interdit de vouer un culte à une créature. Vous trouvez par exemple dans les autres religions certaines personnes qui adorent des prophètes. C'est vrai. Des saints. C'est vrai. D'accord, mais ces prophètes et ces saints n'ont-ils pas un créateur? Ben oui, justement. N'ont-ils pas un seigneur? Eh ben oui. Qui est-ce qui est le plus en droit d'être adoré? Ben, la c'est... créature ou les créateurs, René? C'est le créateur. Hein. C'est le créateur. Absolument. Bah, ainsi, on voit l'égarement qui a touché les nombreux adeptes de ces différentes religions. C'est vrai. Contrairement à l'islam, dans cette religion, René, sachez que nous n'adorons que un Dieu unique. Oui. Car c'est notre seul maître, notre seule propriété. C'est et vrai. Sachez que tous les prophètes et tous les messagers, depuis le premier qui est Noé, jusqu'au, oui, dernier qui est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, en passant par Abraham, oui, Moïse, oui, en passant par Jésus, ils sont tous venus avec le même message. Oui. Ils ont tous appelé leur peuple à délaisser le polythéisme, à délaisser l'adoration des fausses divinités, des idoles, des statues, du soleil, de la lune, des anges, des prophètes, c'est vrai, pour leur dire « La ilaha illallah ». Ce qui signifie « Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée, excepté une seule divinité unique, c'est Allah, le seul maître ». C'est vrai. Cela... Car Allah est la vérité, c'est le seul créateur, le seul digne d'être adoré. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui ne mérite pas l'adoration. Voyez-vous, René, celui qui a été créé, le vivant qui était mort, et le vivant qui sera rattrapé par la mort, oui, il ne mérite pas d'être adoré. Ah non, absolument pas. Le soleil qui est dirigé par son Seigneur non plus ne mérite pas d'être adoré. Les statues qui ont été faites de la main des hommes ne méritent pas d'être adorées. Elles n'entendent pas les invocations. Elles ne répondent pas aux demandes. Elles ne peuvent ni se faire du bien, ni être utiles pour autrui. Comment donc alors adorer toutes ces fausses divinités? Ah oui, oui, c'est vrai. Nous, les musulmans, nous adorons Allah, le Seigneur des mondes. Le seul créateur, le propriétaire des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Mmh. Le seul capable de nous donner le bien. Le seul capable de repousser de nous le mal. C'est vrai. Celui qui nous ressuscitera après la mort et celui vers qui se fera notre retour. Celui qui a la capacité de nous pardonner nos péchés et de nous faire entrer au paradis. celui qui a la capacité de nous sauver des flammes de l'enfer et de nous accorder son agrément. Voici pourquoi nous n'adorons que Allah, le Seigneur des mondes. Et cela est la voie de la droiture. Oui. Aussi, René, sachez qu'on croit à aux messagers qui ont reçu le message de la part de leur Seigneur. Nous les reconnaissons tous, du premier au dernier. Et cela, contrairement aux autres voies, qui pour certains reconnaissent, par exemple, Moïse. Oui. Mais ils ont mécru en Jésus qui est venu pourtant après Moïse. Cela est une contradiction évidente. Nous ne faisons pas également comme qui, nous ne faisons pas non plus comme ceux qui ont reconnu la prophétie de Jésus, mais qui ont renié la prophétie de Mohammed. Ah oui. Sallallahu alayhi wa sallam. Cela est une contradiction. Pourquoi, René? Car l'ensemble a été envoyé par Dieu. Oui. Celui qui est venu, que ce soit le premier, le deuxième, le centième, ils sont tous venus de la part de leur Seigneur. Donc pourquoi faire la différence entre un et l'autre? Entre l'un et l'autre. Non, nous les musulmans, nous reconnaissons l'ensemble des messagers et l'ensemble des prophètes. Oui, oui. Et sachez qu'ils sont tous venus avec le même message. Quel est ce message? Je vais vous réciter un verset coranique dans lequel Allah, notre Seigneur, dit: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: n'adorez que Allah et éloignez-vous de tout ce qui adorait en dehors de lui. Voici le message de tous les prophètes. Voici le message de tous les messagers. Et nous, les musulmans, nous les aimons tous. Nous les respectons tous. Et nous leur donnons à tous la plus grande place. Cela sans les adorer. Car l'adoration est le droit du Seigneur sur ses créatures. Absolument. Et on ne peut pas donner une adoration à une créature qui est née et qui va mourir. Nous adorons le Dieu Tout-Puissant, Allah, oui, le seul créateur, le seul propriétaire. Voici l'islam: adorer un Dieu unique et s'éloigner de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Reconnaître les messagers et les prophètes, et reconnaître tout particulièrement le dernier prophète et messager qui se nomme, vous savez, le dernier prophète et messager, il se nomme Mohammed. Ah oui. D'accord. C'est le dernier prophète et messager. Il est venu avec cet islam, qui est le même islam que Abraham, le même islam que Joseph, le même islam que Jacob, le même islam que tous les prophètes et messagers qui sont venus depuis Noé. Ouais. Et ce messager nous est venu pour nous faire sortir des ténèbres de l'égarement, des ténèbres de l'ignorance, de la division, de l'anarchie, vers la lumière de la science, de la droiture, de l'excellence, de la bienfaisance. Il nous est venu pour nous enseigner les causes de l'agrément de notre Créateur. Comment agir afin d'avoir l'agrément de notre Créateur? Comment agir pour se voir agréé auprès du Tout-Puissant? Vous êtes ici, René, sur Terre depuis 90 ans. Vous êtes la personne la plus âgée dans la mosquée. Oui, sûrement. Il vous faut avoir cette science. Pourquoi est-ce que vous avez été créé? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Oui. Ça, c'est la chose la plus importante. Car toute âme goûtera à la mort. Aussi longtemps que puisse vivre la créature, oui, sa fin, sa finalité, c'est la mort. Celui qui a bien agi dans ce bas monde et qui s'est soumis au Créateur, il rentrera au paradis. Et la vie qui l'attend dans l'au-delà est bien meilleure que celle-ci. Oui, c'est sûr. Quant à celui qui n'a pas réalisé, concrétisé ce pourquoi il a été créé, il recevra un châtiment et aura à vivre éternellement dans les flammes de l'enfer. Et quelle mauvaise destination que cela. À partir de là, René, une question à laquelle il nous faut répondre. Pourquoi est-ce que notre Créateur nous a tous mis sur terre? Ah, ça c'est un mystère, oui. Pourquoi? C'est une bonne question. La réponse est dans, comme vous avez dit, forcément nous avons un rôle. Ce Créateur est sage. Il ne fait rien au hasard. Ce Créateur est savant. Ce Créateur est omnipotent. Tout ce qu'il fait, il le fait avec juste mesure et avec sagesse. Et la réponse à cette grande question, qui est toujours pour vous, après 90 années, un mystère, vous allez la voir aujourd'hui, René. Oui. Cette réponse, elle est dans le Coran, qui va vous être prêté par votre chère voisine. Oui, c'est possible. D'accord. Parce que et si elle ne vous prête pas ce Coran, René, je vous offrirai personnellement un Coran. Mais elle le fera. Oh oui, elle le fera. D'accord. Oh, oui, oui. Mais c'est pour la presser un peu. Ça, c'est sûr. D'accord. Oui. Donc, la réponse à cette question, René, qui a la plus grande importance, écoutez-la avec votre cœur avant vos oreilles. J'attends de vous la plus grande concentration, car ce sujet-là, c'est un sujet duquel découle le paradis ou l'enfer. Oui, c'est pas un sujet à prendre à la légère. Oh. D'accord ? Non, c'est sûr. C'est une décision extrêmement importante. Hein. Comme vous le dites si bien. Ah. Dieu nous dit dans le Coran, dans ce livre saint, sa parole qu'il a révélée à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » La réponse est là, René. Je n'ai créé les djinns, les démons, et les hommes, les humains, que pour qu'ils m'adorent. Voici votre rôle sur terre, René. Adorez votre créateur d'un culte sincère. C'est sûr. Voici pourquoi vous êtes là. Dieu nous dit dans un verset, « أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ » Allah nous dit dans son livre, « Pensez-vous que nous vous avons créé en vain et que vous ne reviendrez pas vers nous ?» Allah est au-dessus de cela. C'est sûr. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée en dehors de lui, le Seigneur du trône, du noble trône. Dans ce verset, notre Créateur réfute l'idée qui pourrait venir à l'esprit d'ignorant, qui est de se dire « Dieu a créé les cieux et la terre, mais comme ça, en vain, sans sagesse. » Est-ce que la sagesse de notre Seigneur n'est pas plus noble que cela ? Certainement que c'est comme vous dites. Ah ben bien sûr. Dans un autre verset, notre Créateur nous dit « Ayahsabul insan ayutrakasuda » Est-ce que l'homme pense qu'on va le laisser ainsi, c'est-à-dire sans lui donner d'ordre et sans lui donner d'interdit? Non. Oui, non, c'est pas possible. On a été créé pour une sagesse, pour un but suprême. Absolument. Ce but, René, pourquoi vous êtes là? Pourquoi je suis là? Pourquoi tous ceux que vous voyez sont là? Pour adorer un Dieu unique, oui. Notre Créateur. Oui. Et si, René, Dieu nous a ordonné cela, sachez que ce Seigneur, il est tout miséricordieux. Il est doux, il est sage, et il veut le bien et la facilité pour ses serviteurs. Il ne nous a pas donné cet ordre, puis cela sans nous le détailler et nous l'expliciter. Il nous a donc envoyé un messager. Ce messager se nomme Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous est venu et nous a enseigné comment concrétiser ce pourquoi nous avons été créés. Et il nous a dit, Ya qawm qulu la ilaha illallah tuflihu. Ô mon peuple, dites la ilaha illallah, vous obtiendrez la réussite. René, la clé de la réussite, c'est cette parole. Le commencement du chemin est cette parole. La clé qui ouvre le paradis, c'est cette parole. Oui. La ilaha illallah. Connaissez-vous le sens de cette parole, René? Non. Vous ne connaissez pas le sens de cette parole. La ilaha illallah. Vous parlez de Dieu, là. Voilà. Inch'Allah. Non, ce n'est pas le sens de Inch'Allah. Inch'Allah veut dire si Dieu le veut. Oui, c'est ça. Mais il y a une autre parole, oui. Encore plus importante, qui dit La ilaha illallah. C'est-à-dire... En comprenant cette parole, vous allez avoir un trésor. Ah. En comprenant cette parole, vous allez avoir la clé de l'islam, la clé du bonheur dans ce bas monde et dans le paradis. Ouais. Est-ce que vous voulez rentrer au paradis, René? Mais est-ce que vous voulez... Je préférerais, oui. Est-ce que vous voulez... Vous avez 90 ans. Ben oui. Est-ce que vous savez, vous connaissez un secret qui vous permettrait de retrouver votre jeunesse? Ah, ça, je n'en connais pas, non. Moi, je l'ai. Voulez-vous que je vous le donne? Ah ben oui, ça m'arrangerait, oui. Vous rentrez au paradis. Au paradis, il n'y a pas de personnes âgées. Vous voyez la personne âgée qui est sur les deux personnes âgées sur les chaises? Oui. Ils ne rentrent pas au paradis. Ah. Vous non plus. Vous savez pourquoi? Parce que quand on rentre au paradis, on est tous jeunes. Voilà. Il nous a rajeunis. On est tous jeunes avec une grande force. Avec la plus grande beauté. Et on ne détaillera pas trop le paradis dans un premier temps. On va revenir à la clé du paradis. On va revenir à la clé du paradis. La clé du paradis, c'est la ilaha illallah. Si vous comprenez cette parole, vous prononcez cette parole avec conviction, vous vivez avec cette parole, sachez que par cela, on vous aplanit un chemin dont la finalité est le paradis. Est-ce que vous voulez que je vous détaille cela? Ah ben oui, je veux bien. D'accord. Le sens de la ilaha illallah est nulle divinité. Ouais. Ne mérite véritablement d'être adoré, excepté Allah. Ah oui, d'accord. Ce qui signifie que vous devez rejeter, renier et mécroire au droit à l'adoration pour tout ce qui a été pris en guise de divinité par les gens. Que ce soit des hommes, que ce soit des anges, que ce soit des pierres, des animaux, des statues, le soleil, la lune, les prophètes, Jésus, et tout ce qui est adoré, vous devez le rejeter. C'est-à-dire, dire que tout ce qui est adoré ne mérite pas l'adoration. D'accord. Après avoir fait cette réfutation globale et générale, à ce moment-là, vous venez avec une autre partie qui est une partie affirmative. Après avoir purifié votre cœur de l'adoration et de tout autre que Allah, vous dites que bien au contraire, le seul à mériter entièrement toute l'adoration, c'est notre Créateur, c'est Allah. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous adhérez à cette conviction? Est-ce que vous avez trouvé plus juste en matière de croyance que d'adorer le seul Créateur? Non. C'est la droiture par excellence. Oui, oui, oui. Voici la parole par laquelle votre Créateur vous aplanira un chemin dont la finalité sera le paradis. Ça, vous m'avez éclairé pas mal sur certaines choses. Et ça n'est que le début de votre... Ça n'est que le début. Vous voyez l'homme qui a une bougie? Vous êtes à l'image de celui qui a une bougie. C'est exact. Mais bientôt, Inch'Allah, et vous comprenez cette parole-là, ah ouais, le soleil va se lever. Ah ouais. Et vous allez pouvoir apercevoir l'ensemble de ce qu'il y a devant vous. Voilà, c'est ça. Et cela en comprenant et en vous cultivant plus encore dans le dogme islamique. Oui. Cette religion, c'est une religion qui est juste et qui donne à chacun sa juste mesure. À chacun son droit. Quel est le droit de notre Créateur sur nous, René? Le droit de notre Créateur sur nous est de l'adorer seul sans rien lui associer. Et si vous faites ça, il vous a promis de vous faire entrer dans ce paradis. D'accord. L'islam repose sur 5 piliers. Le premier pilier est le plus important. C'est la profession de foi. C'est le fait de dire cette parole. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ce qui signifie je témoigne et j'atteste, je reconnais qu'il n'y a point de divinité méritant d'être adorée, excepté Allah, notre Créateur. Je comprends, oui. Et j'atteste et je reconnais également que Mohammed est le dernier prophète et messager. Ah, d'accord. Nous reconnaissons également Jésus, tout comme nous reconnaissons Moïse et tous les prophètes et messagers qui sont passés avant. Nous les aimons tous, nous les respectons tous. Et on s'interdit de dire le moindre mal sur l'un d'entre eux. On ne fait aucune distinction entre eux, contrairement à ce qu'ont fait les adeptes des autres religions. C'est vrai. À partir de là, René, je vous invite à un paradis vaste comme les cieux et la terre. Je vous invite dans l'au-delà à rentrer dans des jardins d'Éden, où il y aura des sources d'une eau jamais malodorante, des sources, des ruisseaux de miel, René. Est-ce que vous avez déjà vu ça, ni même imaginé cela? Des ruisseaux de miel, René. ça ne me déplairait pas du tout, le miel. Allahu Akbar. Donc, des ruisseaux de miel, des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, des ruisseaux de lait. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça, René? Le lait, c'est bon aussi. Et même des ruisseaux de vin. Mais attention, ça n'est pas le vin qui enivre. Ah, pas trop, quoi. C'est un vin où on peut le consommer sans modération. Ah oui. Il n'enivre pas. C'est un, c'est un vin pur. Ouais. C'est un vin qui est bon et qui est fait du tout miséricordieux. Ar-Rahman, Allah, le Seigneur des mondes. Oui. René, je vous invite à un paradis où il n'y a pas de sommeil, car il n'y a pas de fatigue. À un paradis où il n'y a pas de soucis. À un paradis où il n'y a pas de maladie. Peut-être qu'après avoir atteint un âge avancé, vous vous plaignez de certaines douleurs et d'une fatigue. Ah ben oui. Voici le chemin qui fera disparaître tout cela. Si vous rentrez dans l'islam, après il y aura le paradis. Au paradis, il n'y a pas de maladie. Au paradis, il n'y a pas de sommeil. Au paradis, vous aurez à vivre et ne jamais mourir. Il n'y a pas de mort. Ah oui, c'est une... Au paradis, vous aurez à vous faire plaisir et à profiter et vous délecter et profiter de tout ce qu'il y a comme bienfait sans jamais être malheureux ni triste. Ah. Au paradis, vous allez avoir la rétribution de vos agissements dans ce bas-monde. Ah, oui. Mais pour entrer dans ce paradis, René, il vous faut la clé. Ah ben oui. La clé du paradis, c'est l'attestation de... C'est la profession de foi qui vise à reconnaître qu'il n'y a qu'une divinité qui mérite d'être adorée, seule, sans rien lui associer, et que Mohammed est son messager. Est-ce que vous reconnaissez, vous croyez en cela, René? Oui. Si vous parlez bien, hein, je vais essayer. Si vous croyez en cela, René. Oui, je crois, d'après ce que vous m'avez dit, là. Est-ce que ce message. Ah oui, ce message est concorde vrai. Avec la vérité et la réalité. Est-ce que vous avez trouvé un défaut dans ces paroles? Non, moi je n'ai pas trouvé de défaut, justement. C'est une chose qui est absolument simple, mais... C'est simple, mais la rétribution est immense. Mais c'est un paradis juste, éternel. Je suppose juste, c'est la justice. Parce que je connais d'autres religions où il y a vraiment des injustices. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas adhéré. Je n'ai pas insisté. Voilà. Il n'y a qu'un seul Dieu. Pour moi, il est dans mon cœur, il est dans mon âme. Mais vous n'aviez pas le détail de la vérité. Ah ben, je n'adore personne autre que Dieu. Ça, c'est l'islam, mais René. C'est ce que vous avez dit correspond donc à ma façon de penser. C'est excellent. Et alors, bon, ben, je vais voir. À partir de là, René, je vous invite à prononcer la parole qui fera de vous une personne en adéquation avec cette croyance. Oui. Une parole qui fera de vous un être soumis à un Dieu unique comme vous le voulez. Mmh. Un musulman. Ah oui. Une personne qui, dans l'au-delà, recevra le pardon de son Seigneur pour l'ensemble de ses fautes et ses manquements. Une personne qui recevra la bonne nouvelle d'un paradis vaste comme les cieux et la terre. Est-ce que vous, si vous voulez rentrer dans ce paradis, je vous invite sans plus tarder à prononcer l'attestation de foi. Est-ce que vous êtes prêt à prononcer cette parole? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite? Pas tout de suite. Quand est-ce que, René? Il faut que je vérifie avec, donc avec mes amis et avec le Coran. Il faut que Allah je sois un peu plus initié dans cette affaire. Parce D'accord. que c'est quand même quelque chose d'important. Hein. C'est quelque chose de très important. Moi, je ne considère ça par-dessus la jambe. C'est quelque chose qui doit être important. Exactement. Et si je le fais, ce sera d'une façon avec conviction. Importante et avec conviction. D'accord. C'est pour ça que je ne veux pas... donnez ma réponse tout de suite parce que si vous croyez qu'il y a un Dieu unique et vous croyez en tous les prophètes, ah ouais, ça j'y crois. Vous pouvez prononcer cette parole, puis par la suite approfondir vos recherches. C'est ça, oui. Que pensez-vous de cela? Oui, c'est pas mal. Vous dites la parole maintenant. Oui. Vous prononcez cette parole qui sera en adéquation avec vos convictions, qui fera de vous un homme intègre, qui fera de vous un monothéiste. un suiveur des prophètes. Est-ce que c'est pas la meilleure chose que de suivre les meilleures créatures? Absolument. Puis en rentrant, vous retournerez voir vos voisins, vos chers voisins. Oui. Et vous regarderez dans le Coran avec eux pour approfondir. Oui, bien sûr. Aussi, on vous invitera par la suite à assister aux cours qui sont dispensés dans cette mosquée. Oui. D'accord? Oui. Et je pourrai moi-même venir vous chercher si vous en avez le besoin, et cela avec le plus grand plaisir, afin que vous puissiez approfondir vos connaissances. Mmh. Car plus la personne est instruite, plus elle voit de la splendeur et de la beauté de cette religion. Oui. Et plus elle se rapproche de la certitude et rejette de son cœur et d'elle-même tout doute. D'accord. Donc je vous dicte cette parole, René. Oui. D'accord. Et vous répétez après moi. Je répète. Puis, vous allez continuer, car la science ne s'arrête pas. On aurait beau parler des jours et des jours, la science ne finit jamais. Au-dessus de chaque savant, il y a un autre savant. Mais là est le début du chemin. Vous prononcez cette parole, qui par cela, Dieu vous guidera à cette religion magnifique, vous préservera du feu de l'enfer, vous offrira une place au paradis. D'accord? Oui. Et par la suite, vous allez continuer vos démarches. D'accord. Mais on ne vous force pas. C'est de plein gré et selon vos convictions que vous avez dit devant tout le monde à l'instant. Oui, bien sûr. D'accord? Absolument. Donc vous prononcez cette parole de plein gré avec conviction. Mm-hmm. D'abord, je vais vous expliquer ce que signifie cette parole. Oui. Car vous êtes un homme qui veut agir avec science, comme on voit de vous. Cette parole, donc, c'est « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah ». Ce qui signifie, je me répète, et on ne le répétera jamais assez car c'est la clé du paradis. Ce qui signifie, je témoigne et je reconnais qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est un Dieu unique, Allah. Oui. Et je reconnais, je témoigne que le dernier prophète et messager, c'est Muhammad. On reconnaît tous les prophètes et messagers. Et on reconnaît le dernier qui se nomme Mohammed. C'est le prophète qui a été envoyé, le dernier, à l'ensemble. Ah, oui, oui. D'accord? Tout comme on reconnaît que Jésus, c'est également le serviteur et messager de Dieu. Ah oui, c'est ça, oui. D'accord? Donc, voici le sens du témoignage que je vais vous dire. Je comprends. Je vais vous le dicter et vous le répéterez après moi. Oui. D'accord? Donc, vous dites, Ashhadu. Ashhadu. Ashhadu, ashhadu, Allah, ilaha, ilaha, illa, Allah, Allah, wa ashhadu, ashhadu, wa, ashhadu, ashhadu, anna, Allah, anna, Allah, an, na, na, Muhammadan. Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Félicitations, René. Alhamdulillah alladhi bi tatimmu salihah. Vous venez de prononcer la parole de vérité. La parole par laquelle vous vous joignez aux gens de la vérité, ceux qui reconnaissent qu'il n'y a qu'un Dieu unique et qu'il est le seul à mériter l'adoration. Oui. René, je vous annonce une bonne nouvelle. Une nouvelle qui vaut plus que tout ce qui repose sur la terre. Cette bonne nouvelle, René, est la parole de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il nous a dit « Ama alimta ya'am anna l'islam yadubu ma qabla » Il nous dit une parole qui est que l'islam et le fait de reconnaître qu'il n'y a qu'un Dieu unique qui mérite l'adoration, efface tout le passé de la personne et tous ses péchés et ses fautes. Donc, vous avez 90 ans. Ouais. Ben, sachez que par cette parole que vous venez de prononcer, avec conviction, de plein gré, Dieu vous efface 90 ans de péché. Donc, félicitations à vous pour ce grand témoignage que vous avez prononcé. Ça n'est pas une parole qui est dénuée de sens. Bien sûr. C'est la parole de vérité. C'est la parole de tous les prophètes. Vous venez de prononcer la parole de tous les prophètes. D'accord. Donc, on remercie notre Créateur. C'est lui qui vous a amené ici. Par l'intermédiaire de la famille, rappelez-moi le nom, Boudjenan. Boudjenan, oui. Par l'intermédiaire de la famille Boudjenan. Mm-hmm. Dans cette mosquée, vous êtes venu afin de prononcer l'attestation de foi. Oui. Qui vous écrit un désaveu du feu de l'enfer, on espère auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vous écrit, inshallah, une place au paradis. Ou une place au paradis. Oui, c'est gentil. On va demander à notre Créateur d'accorder tous ses bienfaits à la famille Boudjenan. Ah oui, vous pouvez. Oui. De les récompenser par la plus grande récompense, de leur pardonner leurs péchés et de les guider à la droiture et de leur accorder la bénédiction dans ce bas monde et dans l'au-delà, car ils ont été la cause de votre venue ici. Oui, c'est ça. Afin qu'on passe ce moment ensemble et tous ceux que vous voyez devant vous sont émus et touchés de votre venue et des paroles qu'on a entendues de votre part. D'accord ? Ben, je suis content. Là. Est-ce que vous voulez entendre une courte description du paradis ? Oh non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Allah Akbar. Allah Akbar. Dieu t'a choisi vraiment ? Mais, pardon ? C'est Dieu qui t'a choisi. Ouais. Il vous dit ? Franchement, ah, merci. C'est Dieu qui vous a oui. choisi. Oui, vous croyez ? Je l'ai certitude. C'est pas que je croyais, je l'ai certitude. C'est gentil. Ouais. C'est ma première fois dans ma vie. Merci beaucoup. Je vis ça franchement. Je crois. Merci, j'en suis heureux. Le frère est ému et il vous dit que c'est Dieu qui vous a choisi. C'est vrai. Afin de venir dans cet endroit et que c'est la première fois qu'il témoigne de cette situation. Ouais. Pour ma part, vous êtes la personne la plus âgée, Mada, qui est entrée dans la mosquée ou dans ma vie afin de prononcer l'attestation de foi et de rentrer dans cette religion où on n'adore qu'un Dieu unique. Et cela est, je vois cela comme un honneur que notre Créateur nous a donné à tous d'assister à votre venue ici. Et on espère pouvoir et avoir l'honneur de vous accueillir plus régulièrement et autant de fois que vous le souhaitez. Est-ce que vous faites des réunions tous les jours ou de temps en temps? De temps en temps, mais pour vous, je peux venir tous les jours. Ah oui, mais là, je... Mais sinon, le jeudi, je vais voir avec ma... le jeudi, le vendredi et le samedi, oui. D'accord, oui. Il y a des cours qui sont dispensés en français, oui, donc d'accord. Vous pouvez y assister. D'accord. Et vu qu'il reste un peu de temps, vous allez pouvoir assister à, comment dire, un exemple des cours qui sont dispensés. Ah ouais. D'accord. Et comment dire, encore une fois, toutes nos félicitations. Maza et le frère vous offre ce cadeau, d'accord, au nom de l'ensemble des fidèles de la mosquée. D'accord. Au nom de l'ensemble des fidèles de la mosquée. C'est un cadeau qui vous est destiné, René. Oh bah c'est vraiment cool. Et en rentrant chez vous, vous découvrirez ce que contient votre sachet rempli de différents cadeaux, dans lequel il y aura des livres pour vous cultiver. Ah bah c'est d'accord. Bien. Vu que vous êtes à la recherche de la science, tout comme nous d'ailleurs, vous allez trouver, inshallah, réponse à de nombreuses questions, à l'aide également de vos chers voisins, la famille. Oui, la famille. Quel est leur nom? La famille Boudjenan. Oui. Hafidhahumullah. Oui. D'accord. Voici René, notre entretien s'arrête, mais ça n'est qu'une virgule et non pas un point. Et Inch'Allah, vous êtes la bienvenue, que ce soit aujourd'hui ou la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir honorés de par votre présence et de par cette mada, cette véracité qu'on a entendue dans vos propos. Et je me permets, si vous me le permettez, de vous embrasser la vous tête en prie. Avec le plus grand respect. Allah ybarak fikoum. Merci beaucoup. Allah ybarak fikoum. Ah, puis alors, je vais avoir de la lecture. Là, ça m'intéresse. Donne-lui la chaise, Hamidou. Je vais prendre maintenant. Il va vous installer. Mon petit chapeau. Voilà, comme ça vous Où est-ce que vous souhaitez vous installer, René? Vous ne voyez plus mes cheveux. Merci. طيب.